Que dans ton sommeil profond, si tu leur souris, les fleurs te parleront. Fanny, est-ce qu'on t'a dit que dans ton sommeil profond, si tu leur dis oui, elles te chanteront. Que tout comme les ballons, les jours viennent et vont. Le soleil a raconté pourquoi les oiseaux savent voler. Tout comme les ballons, les jours viennent et vont. Le soleil a raconté pourquoi les oiseaux ça veut voler. Fanny, est-ce qu'on t'a dit que les papillons dansaient en rond, tout comme tes copains le font? Fanny, est-ce qu'on t'a dit que les arbres et les ruisseaux chantent le refrain le plus beau? Comme les ballons, les jours viennent et vont. Le soleil a raconté pourquoi les oiseaux savent voler. Tout comme les ballons, les jours viennent et vont. Le soleil a raconté pourquoi les oiseaux savent voler. N'est pas que rêve, si tu veux, ferme les yeux. N'aie pas peur, ouvre grand ton cœur. La vie est comme une fleur, dis-lui oui et puis souris. Elle te comptera et te chantera tout bas. Les jours viennent et vont. Le soleil a raconté pourquoi les oiseaux savent voler. Tout comme les ballons, les jours viennent et vont. Le soleil a raconté pourquoi les oiseaux savent voler.